Chapitre 116. Le père et la fille. Au bout de l'allée, André aperçut en effet le maréchal et son père qui se promenaient devant le vestibule en l'attendant. Les deux amis semblaient être les plus joyeux du monde. Ils se tenaient par le bras. On n'avait pas encore vu à la cour Oreste et Pylade aussi exactement représentés. À la vue d'André, les deux vieillards se réjouirent encore plus et se firent remarquer, l'un à l'autre, sa radieuse beauté, augmentée encore par la colère et par la rapidité de sa marche. Le maréchal salua André, comme il l'eût fait à Madame de Pompadour déclarée. Cette nuance n'échappa point à Tavernet, qui en fut enchanté. Mais elle surprit André par ce mélange de respect et de galanterie libre, car l'habile courtisan savait mettre autant de détails dans un salut que Coviel savait mettre de phrases françaises dans un seul mot turc. André rendit une révérence qui fut aussi cérémonieuse pour son père que pour le maréchal. Puis il les invita tous deux, avec une grâce charmante, à monter dans sa chambre. Le maréchal admira cette élégante propreté, ce luxe de l'ameublement et de l'architecture de ce réduit. Avec un peu de mousseline blanche, André avait fait de sa triste chambre non pas un palais, mais un temple. Il s'assit sur un fauteuil de perse verte, à grandes fleurs, au-dessous d'un grand cornet de la Chine, d'où tombaient des grappes parfumées d'acacia et d'érable, mêlées d'iris et de roses du Bengale. Tavernet eut un fauteuil pareil. André s'assit sur un pliant, le coude appuyé sur un clavecin également garni de fleurs dans un large vase de Saxe. « Mademoiselle, dit le maréchal, je viens vous apporter de la part de Sa Majesté tous les compliments que votre voix charmante et votre talent de musicienne consommée ont arraché hier à tous les auditeurs de la répétition. » Sa Majesté a craint de faire des jaloux et des jalouses en vous louant trop haut. Elle a donc bien voulu me charger de vous exprimer tout le plaisir que vous lui avez causé. André, toute rougissante, était si belle que le maréchal continua comme s'il parlait pour son compte. Le roi m'a affirmé qu'il n'avait encore vu à sa cour personne qui réunit au même point que vous, mademoiselle, les dons de l'esprit et ceux de la figure. Vous oubliez ceux du cœur, dit Tavernet avec épanouissement. André est la meilleure des filles. Le maréchal crut un moment que son ami allait pleurer. Plein d'admiration pour cet effort de sensibilité paternelle, il s'écria « Le cœur, hélas, mon cher, vous êtes seul juge de la tendresse que peut enfermer le cœur de mademoiselle. Que n'ai-je 25 ans? Je mettrai à ses pieds ma vie et ma fortune. » André ne savait pas encore accueillir légèrement l'hommage d'un courtisan. Richelieu n'obtint d'elle qu'un murmure sans signification. Mademoiselle, dit-il, le roi a voulu vous prier de lui permettre un témoignage de sa satisfaction, et il a chargé monsieur le baron, votre père, de vous le transmettre. Que faut-il maintenant que je réponde à Sa Majesté de votre part? Monsieur, dit André, qui ne vit dans sa démarche qu'une conséquence du respect dû à son roi par toute sujette, veuillez assurer Sa Majesté de toute ma reconnaissance. Dites bien à Sa Majesté qu'elle me comble de bonheur en s'occupant de moi et que je suis bien indigne de l'attention d'un si puissant monarque. » Richelieu parut enthousiasmé de cette réponse que la jeune fille prononça d'une voix ferme et sans aucune hésitation. Il lui prit la main, qu'il baisa respectueusement et, la couvrant des yeux, « Une main royale, dit-il, un pied de fée, l'esprit, la volonté, la candeur. Baron, quel trésor! Ce n'est pas une fille que vous avez là, c'est une reine. » Et sur ce mot, il prit congé, laissant Tavernet près d'André, Tavernet qui se gonflait insensiblement d'orgueil et d'espoir. Quiconque l'eût vu, ce philosophe des anciennes théories, ce sceptique, ce dédaigneux, aspirait à longs traits l'air de la faveur dans son bourbier le moins respirable, se fût dit que Dieu avait pétri du même limon l'esprit et le cœur de monsieur de Tavernet. Tavernet seul eût pu répondre à propos de ce changement. « Ce n'est pas moi qui ai changé, c'est le temps. » Donc, il resta près d'André, assis, un peu embarrassé, car la jeune fille, avec son inépuisable sérénité, le perçait de deux regards profonds comme la mer en son plus profond abîme. « Monsieur de Richelieu n'a-t-il pas dit, monsieur, que Sa Majesté vous avait confié un témoignage de sa satisfaction? Quel est-il, je vous prie ?»« Ah ! » fit Tavernet. « Elle est intéressée. Tiens, je ne l'eusse pas cru. »« Tant mieux, Satan, tant mieux. » Il tira lentement de sa poche l'écrin donné la veille par le maréchal, à peu près comme les bons papas tirent un sac de bonbons ou un jouet, que les yeux de l'enfant arrachent de leur poche avant que les mains aient agi. « Voici, » dit-il. « Ah, des bijoux, » fit André. « Sont-ils de votre goût ?» C'était une garniture de perles d'un grand prix. 12 gros diamants reliés entre les rangs de ces perles. Un fermoir de diamants, des boucles d'oreilles, et un rang de diamants pour les cheveux donnaient à ce présent une valeur de 30 000 écus au moins. « Mon Dieu, mon père !» s'écria André. « Eh bien, c'est trop beau. Le roi s'est trompé. Je serais honteuse de porter cela. Aurais-je donc des toilettes qui puissent s'allier avec la richesse de ces diamants ?»« Plaignez-vous donc, je vous prie !» dit ironiquement Tavernet. « Monsieur, vous ne me comprenez pas. Je regrette de ne pouvoir porter ces bijoux, parce qu'ils sont trop beaux. Le roi qui a donné l'écrin, mademoiselle, est assez grand seigneur pour vous donner les robes. Mais, monsieur, c'est de bonté du roi. Ne croyez-vous pas que je l'ai mérité par mes services ?» dit Tavernet. « Ah, pardon, monsieur, c'est vrai !» répliqua André en baissant la tête, mais sans être bien convaincu. Au bout d'un moment de réflexion, elle referma l'écrin. « Je ne porterai pas ces diamants, » dit-elle. « Pourquoi ?» s'écria Tavernet inquiet. « Parce que mon père, vous et mon frère, vous avez besoin de tout le nécessaire, et que ce superflu blesse mes yeux depuis que je viens de penser à votre gêne. » Tavernet lui pressa la main en souriant. « Oh, ne vous occupez pas de cela, ma fille. Le roi fait plus pour moi que pour vous. Nous sommes en faveur, cher enfant. Il ne serait ni d'une sujette respectueuse, ni d'une femme reconnaissante, de paraître devant sa majesté sans la parure qu'elle a bien voulu vous donner. J'obéirai, monsieur. Oui, mais il faut que vous obéissiez avec plaisir. Cette parure ne paraît pas être de votre goût. Je ne me connais pas en diamants, monsieur. Sachez donc que les perles seules valent 50 000 livres. André joignit les mains. Monsieur, dit-elle, il est étrange que sa majesté me fasse à moi un pareil présent. Réfléchissez-y. « Je ne vous comprends pas, mademoiselle, » dit Tavernet d'un ton sec. « Si je porte ces pierreries, je vous assure, monsieur, que le monde s'en étonnera. »« Pourquoi ?» dit Tavernet du même ton, avec un regard impérieux et froid qui fit baisser ceux de sa fille. « Un scrupule. Mademoiselle, il est plus étrange, vous m'avouerez, de vous voir des scrupules là où moi je n'en vois pas. Vive les jeunes filles candides pour savoir le mal et l'apercevoir, si bien caché qu'il soit, alors que nul ne l'avait remarqué. » Vive la jeune fille naïve et vierge, pour faire rougir les vieux grenadiers comme moi. » André cacha sa confusion dans ses deux belles mains nacrées. « Oh, mon frère, » murmura-t-elle tout bas, « pourquoi es-tu déjà si loin ?» Tavernet entendait-il ce mot ? Le devina-t-il avec cette merveilleuse perspicacité que nous lui connaissons ? On ne saurait le dire. Mais il changea de ton à l'instant même, et prenant les deux mains d'André, « Voyons, enfant, est-ce que votre père n'est pas un peu votre ami ?» Un doux sourire se fit jour à travers les ombres dont le beau front d'André était couvert. « Est-ce que je ne suis pas là pour vous aimer, pour vous conseiller ? Est-ce que vous ne vous sentez pas fier de contribuer à la fortune de votre frère et à la mienne ?»« Oh, si !» dit André. Le baron concentra sur sa fille un regard tout embrasé de caresses. « Eh bien, vous serez, comme le disait tout à l'heure M. de Richelieu, la reine de Tavernet. Le roi vous a distingué. Madame la dauphine aussi, » dit-il vivement. Dans l'intimité de ces augustes personnes, vous bâtirez notre avenir en leur faisant la vie heureuse. Amis de la dauphine, amis du roi, quelle gloire ! Vous avez des talents supérieurs et une beauté sans rivale. Vous avez un esprit sain, exempt d'avarice et d'ambition. Mon enfant, quel rôle vous pouvez jouer ! Vous souvient-il de cette petite fille qui adoucit les derniers moments de Charles VI ? Son nom fut béni en France. Vous souvient-il d'Agnès Sorel ? Qui restitua l'honneur à la couronne de France, tous les bons Français vénèrent sa mémoire. André, vous serez le bâton de vieillesse de notre glorieux monarque. Il vous chérira comme sa fille, et vous régnerez en France par le droit de la beauté, du courage et de la fidélité. André ouvrait ses yeux avec étonnement. Le baron reprit, sans lui laisser le temps de réfléchir. Ces femmes perdues, qui déshonorent le trône, vous les chasserez d'un seul regard. Votre présence purifiera la cour. C'est à votre influence généreuse que la noblesse du royaume devra le retour des bonnes mœurs, de la politesse, de la pure galanterie. Ma fille, vous pouvez, vous devez être un astre régénérateur pour ce pays et une couronne de gloire pour notre nom. Mais, dit André étourdi, que me faudra-t-il faire pour cela ? Le baron rêva quelques instants. André, dit-il, je vous ai dit souvent qu'il faut en ce monde forcer les gens à être vertueux en leur faisant aimer la vertu. La vertu renfrognée, triste et psalmodiant des sentences, fait fuir ceux-mêmes qui voudraient le plus ardemment s'approcher d'elle. Donnez à la vôtre toutes les amorces de la coquetterie, du vice même. Cela est facile à une fille spirituelle et forte comme vous l'êtes. Faites-vous si belle que la cour ne parle que de vous. Faites-vous si agréable aux yeux du roi qu'il ne puisse se passer de vous. Faites-vous si secrète, si réservée pour tous, excepté pour sa majesté, qu'on vous attribue bien vite tout le pouvoir que vous ne pouvez manquer d'obtenir. « Je ne comprends pas bien ce dernier avis, » dit André. « Laissez-moi vous guider. Vous exécuterez sans comprendre ce qui vaut mieux pour une sage et généreuse créature comme vous. À propos, pour exécuter le premier point, ma fille, je dois garnir votre bourse. Prenez ces 100 louis et montez votre toilette d'une façon digne du rang auquel vous êtes appelée depuis que le roi nous a fait l'honneur de nous distinguer. » Tavernet donna 100 louis à sa fille, lui baisa la main et sortit. Il reprit rapidement l'allée par laquelle il était venu et n'aperçut pas, au fond du bosquet des amours, Nicole en grande conversation avec un seigneur qui lui parlait à l'oreille.